Section 5 de La Maison du Péché par Marcel Tiner. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Johan. Chapitre 5. Les années passèrent. On vit fleurir cette fois et s'effeuiller les pavots blancs dans les urnes de la terrasse. Madame Angélique ne sortait plus, mais toutes les filles de Hautfort savaient que M. de Chanteprie avait des cheveux d'un blond cendré et des yeux doux, comme des violettes, et elle regrettait qu'il fût dévot. On le rencontrait rarement en ville, et presque toujours avec son précepteur, dont la mine effarouchait les coquettes. « Voilà les messieurs de Chanteprie, » disaient les petits-enfants. Alors Julie, la modiste, venait au seuil de sa boutique en corsage rose. Berthe, Jeanne, Cora, les bras enlacés, barraient la rue et faisaient de grands rires. Marthe, la repasseuse, soulevait son rideau de mousseline et devant la cour du maréchal, pleine de cris, d'étincelles et de ruades, une poitrine de 16 ans, la petite Mélie, frissonnait plus fort sous ses châles et suivait le jeune homme d'un regard triste et jaloux. Augustin ne regardait pas les filles et toutes le disaient fier et sauvage, un peu toqué sans doute, comme ses parents, de la graine de curé qu'on mettrait bientôt au séminaire. Mademoiselle Courdimanche avait répandu ce bruit dans la ville. Il lui paraissait impossible que le petit ange n'eût pas la vocation. Elle tâcha de confesser le jeune homme. Augustin répondit tout net. La fonction du prêtre, si belle, si haute, l'effrayait. Il n'avait pas senti encore le mouvement intérieur, l'impulsion décisive de la grâce. À 19 ans, ses études achevées, il commençait d'administrer son patrimoine avec une gravité de jeune Romain, roi dans sa maison, roi sur sa terre. Testard, le métayer du chêne pourpre, l'initiait à l'agriculture, et ses travaux rustiques, en fortifiant sa santé, lui laissaient le loisir de la méditation et de la lecture. Augustin se trouvait parfaitement heureux. Sa foi n'était pas moins vive, sa piété moins scrupuleuse qu'au lendemain de sa première communion. Dur pour lui-même, doux pour les autres, il méprisait les plaisirs du monde, qu'il ignorait, les voluptés des sens, qu'il devinait avec un dégoût mêlé de crainte. L'amour divin comblait son âme et trompait la nostalgie naissante d'un autre amour. M. Forgerus, satisfait de son œuvre, pensait au départ. Avant de rejoindre M. de Granville, il voulut faire une courte retraite dans l'abbaye cistercienne de Saint-Marcellin, dont le prieur était son ami d'enfance. Et ce fut la première séparation depuis 7 ans, ce que le maître et l'élève appelaient mélancoliquement l'épreuve préparatoire. « Je reviendrai dans 8 jours et je resterai quelques semaines encore près de vous », avait dit Forgerus en embrassant M. de Chanteprie sur le quai de la gare. Augustin s'en retourna seul à Hautfort-le-Vieux. La vieille voiture à 2 roues sautait rudement au trot du petit cheval gris. Des platanes, lisses et tachetées, filaient sur chaque bord de la route départementale et la campagne, entre les courbes des coteaux, s'étendait, blonde et poudreuse, dans la rougeur du couchant. À l'entrée de la ville, M. de Chanteprie fit un détour pour éviter la montée trop roide et l'affreux pavé des rues. Une allée bordée de bois et de jardins le reçut dans son ombre, et pendant que le cheval gravissait la côte, le jeune homme se prit à rêver. Comme un dormeur éveillé, il regardait ses pensées danser dans le soleil, papillons éblouissants et vagues. Soudain, une voix claire, impérieuse et presque enfantine, appela « Monsieur, monsieur !» D'un geste involontaire, Augustin tira sur les rênes. Le cheval s'arrêta court, et M. de Chanteprie, se détournant, vit une jeune fille qui suivait la voiture. « Monsieur, répéta-t-elle, s'il vous plaît, c'est bien là-haut le carrefour des 3 routes. Tout droit devant vous. Il y en a pour longtemps ? Un quart d'heure ? Et ça monte toujours ? Toujours ? Ah, que je suis lasse ! Gémit la passante d'un ton navré. Elle portait un gros paquet noué dans un torchon, et, comme elle rejetait son buste en arrière, on voyait sous la robe d'indienne bleue le ferme relief de sa jeune gorge et la rondeur de sa hanche. Le col dégrafé bâillait sur un triangle de chair grasse moite de sueur, et sous le chapeau de paille commune noué d'un cordon noir, le visage potelé, encadré de cheveux roux, semblait une rose ardente. « Oh, que je suis lasse ! Et que c'est lourd ! Et que j'ai chaud !» Le jeune homme s'apitoya. « Vous venez de loin ?»« Du Petit Naufle. »« Et vous allez ? À Hautfort-le-Vieux, voir ma tante. » Donnez-moi votre paquet, vous le reprendrez quand nous serons au carrefour. » Il prit le ballot, qu'il plaça dans la voiture, puis une honte lui vint à voir cette créature, une enfant, une pauvresse, s'écorcher les pieds aux cailloux. « Montez donc vous-même, puisque vous êtes si fatigué, vous vous reposerez un moment. »« Ah, bien volontiers, monsieur, ce n'est pas de refus, vous êtes bien aimable. » D'un bond, elle fut près de lui, et lui, d'un bond, sauta par terre et se mit à conduire le cheval par la bride, sans parler à la jeune fille, sans la regarder. Elle murmura, « Monsieur, mademoiselle, si c'était un effet de votre bonté, monsieur, pourriez-vous me dire où demeure ma tante ?»« Vous ne savez pas où demeure votre tante ?»« Je ne l'ai pas vue depuis 10 ans. Elle est en service, à Hautfort-le-Vieux, chez des nobles. Je vais la saluer avant que j'aille en place, dans un château. Elle s'appelle Jacquine, ma tante, Jacquine Ferroux. » Jacquine ? Un drôle de nom, pas vrai ? Moi, je m'appelle Georgette. » Augustin la regarda. C'était une fille de 16 ans, déjà femme. Sa figure semblait plus jeune que son corps. Il y avait quelque chose d'enfantin dans le contour du menton, dans les yeux verdâtres, dans la tendre nuance des joues, où le sourire creusait des fossettes délicieuses. « Je vais vous conduire chez votre tante, » fit le jeune homme. Et il ne dit plus une parole. La voiture s'arrêta au carrefour des trois routes, derrière la maison des Chanteprie. Augustin siffla. Un petit palefrenier accourut, stupéfait de voir le patron, avec une demoiselle inconnue, très mal mise, ramassée sur le chemin. « Honoré, va chercher Jacquine. Dis-lui que sa nièce est arrivée. « Bonjour, mademoiselle, vous pouvez attendre ici. » Il s'en alla contrarié, furieux contre Georgette et contre lui-même. Une heure plus tard, il retrouva sa mère dans la salle à manger. Jacquine servait. Qu'avait-on fait de Georgette ? L'avait-on renvoyée, sans lui accorder le moindre repos ? « Jacquine a reçu une visite aujourd'hui, » dit Madame Angélique. « Sa petite nièce est venue la voir. » Augustin rougit et demeura quoi ? Le nez sur son assiette. « Notre pauvre vieille est souffrante, » reprit la mère. « Elle voulait prendre une femme de journée pour l'aider à faire les confitures. Car voici la Saint-Jean. Les groseilles ont fini de mûrir, la fillette va rester quelques jours chez nous et notre pauvre vieille se reposera. » « Madame est bien bonne, » dit Jacquine. « L'enfant couchera dans ma chambre et ne gênera personne ici. » « Surveillez-la bien, vous en êtes responsable, Jacquine. Ne la laissez pas sortir toute seule et courir les rues de Hautfort. Et rappelez-vous qu'elle ne doit jamais aller au pavillon. Augustin n'aime pas qu'on le dérange. »« Oui, oui, je comprends. On ne le dérangera pas, notre Augustin. » Madame de Chanteprie ne reparla plus de la fille rousse. Mais le lendemain, Augustin aperçut Georgette dans le potager. Elle avait quitté sa camisole peu décente et portait une robe de Jacquine, une robe noire trop longue, trop étroite, et qui la serrait cruellement. Un tablier bleu noué à la taille, un panier au bras, le chapeau rabattu sur le front, elle cueillait les groseilles mûres. De loin, par-dessus la haie qui séparait le potager du jardin, on apercevait son chignon roux flambant dans la lumière. La cueillette des groseilles dura 2 jours. 2 jours, Augustin vit resplendir entre les arbres la chevelure miraculeuse. Le 3e jour, il ne vit pas Georgette. Et le 4e jour, il se demanda si elle n'était pas déjà partie. Il désirait qu'elle s'en allât, sans comprendre la singulière répulsion que lui inspirait cette pauvre fille. Une enfant. Interroger sa mère, interroger Jacquine, il n'osait pas. Mais, comme il se promenait dans le jardin, il se dirigea vers le potager par une allée si ombragée qu'elle restait sombre et fraîche en plein midi. La haie d'épines la fermait au bout dans sa largeur, et c'était comme un long couloir obscur, où pleuvaient, çà et là, des gouttes de clarté mouvantes. Monsieur de Chanteprie regarda furtivement par-dessus la haie. Sous le ciel incandescent, le sol craquait. Les plantes se tordaient, agonisantes de soif. Les choux, dévorés par les chenilles, étalaient leurs feuilles boursouflées, grisâtres, brodées à jour. Sur les brindilles de bois fichées en terre, les fleurs des pois simulaient un vol de papillons arrêtés tous ensemble, tués par l'incendie solaire, et dont les ailes blanches ne palpitaient plus. Assise contre la haie, Georgette égrenait dans un bassin de cuivre les groseilles déjà meurtries. De vieux arbres versaient sur elle une ombre humide et flottante. Ses cheveux, accrochés aux épines, tissaient autour de sa tête une toile d'araignée tout en fil d'or, dont le chignon était le centre lumineux et mobile. On entendait dans le silence son petit souffle, accablé. Augustin se pencha. Il vit la joue enfantine, le cou pâle, plus pâle dans le reflet vert des arbres, les manches retroussées, les bras et les mains tachés de rose par le sang vermeil des fruits, et, se penchant encore, il vit la robe noire dégrafée au corsage, une blancheur de linge, et, dans l'entrebâillement de la chemisette, la gorge, un peu basse, veinée de mauve, savoureuse comme un fruit, et tendre comme une fleur. Il n'osait ni rester, ni fuir, et, si Georgette s'était retournée à ce moment, il fut mort de honte. Soudain, il crut qu'elle remuait, et, rejeté en arrière par une terreur inexplicable, parmi les feuilles froissées et les branches rompues, il courut vers le pavillon. Les volets, clos depuis le matin, entretenaient dans la chambre une fraîcheur de grotte sylvestre. Une ligne de jour les séparait, un long fil de clarté brillante. Les rideaux couleur de safran, suspendus à une couronne de bois sculpté, s'évasaient mollement au-dessus du lit, contre la boiserie gris de perles. Et rien n'était plus charmant que l'accord de ce gris si pâle et de ce jaune si doux. Augustin tremblait. Son cœur battait lourdement. Qu'avait-il fait de mal? Pourquoi cette fuite éperdue? Ce trouble? Hélas, quelque chose avait traversé sa vie, quelque chose d'extraordinaire et d'effrayant qu'il n'oublierait pas et dont il garderait l'obsession. Son âme avait frémi tout à coup, fascinée, attirée dans le frais sillon de chair palpitante. Et ce vertige de l'âme, cette fièvre du sang, c'était cela le désir, le péché, la concupiscence dont parlent les livres saints. À genoux devant le crucifix, Augustin pria, frappant sa poitrine, déplorant sa curiosité coupable, et son émotion s'apaisa. Il baigna d'eau froide son front et ses tempes, mais, malgré lui, parmi ses meubles aux nuances assoupies, aux courbes féminines, dans l'atmosphère de cette chambre faite pour la volupté, d'étranges pensées, d'étranges visions l'assaillirent. Il crut voir, entre la fenêtre et le lit, passer une figure incertaine, transparente comme une vapeur et couronnée de pavots, un fantôme. On lui avait conté cette histoire, et comment, dans le pavillon, Adhémar de Chanteprie avait caché une danseuse, Rosalba Rosalinde. La morte revenait. Avec ses atours poudreux et ses guirlandes flétries, elle revenait à la maison d'amour, à la maison de péché, réveillée d'un sommeil de 100 ans par l'odeur de la jeunesse. Fin de la section 5.